et 6 et 7. Hey! Bien joué, bravo Marianne, bravo Marianne. Marianne compte jusqu'à 8. Marianne compte jusqu'à 8. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et 5 et 6 et 7 et 8.